Go back to bed, America. Your government is in control. Les droits de l'homme? Oh, les droits de la femme? Oh, on s'en fout. Ben, ça paye. Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. On vit sur du temps emprunté, puis tôt ou tard, il va y avoir un réajustement qui risque de faire mal. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. L'économie doit être au service du reste des liens humains. Mais si on fait rien, c'est sûr que rien ne changera. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Lemelin, bienvenue à Econophile. Ça s'en vient là, ça s'en vient. Les élections, ouais, ça s'en vient. Après les débats, les éditoriaux, les sondages, les échanges entre gens déjà convaincus, parce qu'on se parle entre nous hein, souvent sur les réseaux sociaux, ben vient le temps de choisir. Ouais. Par anticipation ce dimanche, le 5 pour la générale. Et pour ça, ben là, vous êtes tout seul. C'est pas pour rien qu'on vote dans un isoloir et pas à m'élever dans une assemblée. Hein. C'est un choix personnel. C'est une décision personnelle. Évidemment, je ne vais pas vous dire pour qui voter, ce n'est pas du tout le sens de mon propos. Je ne vais pas vous dire non plus que vous êtes obligé d'aller voter. Ce serait mieux, là, mais vous n'êtes pas obligé. Parce que moi, contrairement à plusieurs qui disent que parce que du monde se batte à machette pour obtenir le droit de vote ailleurs dans le monde, tu devrais donc, par respect pour eux, aller voter. Oui, c'est vrai, c'est un argument, c'est pas fou. On dit aussi que vous devriez aller voter parce que ceux qui votent pas n'auront pas le droit de chialer après. Hein, c'est un bon argument aussi. Mais pour moi, ne pas aller voter, c'est prendre position. Si les politiciens ne vous inspirent pas, si elles vous inspirent si peu que vous n'avez même pas envie de prendre 8 minutes de votre vie pour aller voter, ça en dit long. C'est possible que vous vous sentiez comme ça. Et c'est, selon moi, légitime. C'est possible que le système en place vous inspire si peu que le jour venu, vous allez regarder Netflix en payant pas de taxes hein, à la place. Ça se peut. Ça se peut. Mais il y a un mais. Mais par lâcheté, ça, moi, ça passe moins. Si c'est juste parce que ça vous tente pas, t'sais, ah, pas sûr, j'ai des t-shirts à laver, je vois pas. Ça, c'est pas assez. Non. Il y a trop en jeu et c'est, dans ce cas-là, oublier, je trouve, l'essentiel. Vous êtes un citoyen. C'est un beau mot, hein, citoyen. C'est un superbe mot. C'est chargé. C'est un mot qui veut dire membre d'une société. Ça veut aussi dire habitant d'une ville, partie prenante d'un environnement social, économique, politique. Ça veut aussi dire responsable. C'est toujours un peu facile, hein, rejeter la faute sur les autres, se plaindre, planter les politiciens. Ceci dit, vous faites bien, là, il y en a plusieurs qui le cherchent. Ils courent après, littéralement. Chaque élection est une occasion en or de se poser des questions sur l'état des lieux. Hein, et les élections forcent et d'admettre que les taux de participation sont pas fameux. Surtout municipales, d'ailleurs. 54% en 2013 à Québec, c'est nettement insuffisant, nettement. Ça dit rien, 54%, là, ça dit surtout « j'avais pas le goût, j'avais pas le temps ». Mais ça dit pas assez fortement « ceci est mon choix de société ». En même temps, le faible taux de participation, c'est un peu tout le monde là, qui le porte. Hein. Les politiciens jouent le jeu convenu, les médias aiment ça quand on marche dans les sentiers déjà tracés, et les citoyens veulent du neuf, mais souvent du neuf vieux, t'sais, avec de l'audace, mais conservatrice, veulent des dépenses, mais pas payer de taxes. T'sais, c'est tout un défi, là. Redonner ces lettres de noblesse à l'acte électoral. Mais au municipal, franchement, quand on pense à quel point ça vous touche directement, à quel point ce sont, pour beaucoup, des dossiers qui vont changer vos rues, vos parcs, vos lumières, vos poubelles, vos routes, votre temps d'attente dans les bouchons, vos dépenses en transport, en logement, en loisirs, c'est tellement, tellement concret. Prenez quelques minutes, vraiment, au moins pour survoler les plateformes électorales. T'sais, les plateformes, c'est fait pour que ce soit pas long à lire, là. C'est vraiment pas long. Moi, je préfère lire les programmes parce que ça donne aussi le ton, l'esprit, l'intention derrière les propositions. Moi, ça me parle, mais au moins prenez quelques minutes. Contentez-vous pas de dire « Ah, sa face me revient pas, fait que je vote pour l'autre. » C'est pas un argument, ça. C'est une faillite. Ça peut être tentant, mais c'est pas un bon argument. Et si votre abstention n'est pas un message politique, si c'est juste parce que tu veux dire « parce que, ben, tu sais, ben, allez voter, s'il vous plaît. » On veut bien vous faire croire que la ville n'est pas à vous, mais c'est vrai seulement quand vous n'occupez pas l'espace. Autrement, là, c'est votre ville. Quoi qu'on en dise, là, vous êtes un citoyen, et un citoyen, c'est pas juste un consommateur. C'est pas juste un acheteur de bebelles. Hein, c'est surtout un humain responsable, membre d'une société. Et ça, ben, c'est magnifique. Bienvenue à Econophile. Alors, vous voulez nous retrouver sur les internets, les réseaux sociaux, sur le blog, ben on est là. Allez aimer la page sur Facebook pour nous suivre. facebook.com/econophile891. Et puis, pour trouver le blog, de façon, le bouton « En savoir davantage » sous le bandeau de notre page Facebook, ou encore, ben, vous allez sur econophile.net et vous y arrivez directement. Ben, econophile.net, c'est pour lire des textes inspirés de nos discussions ou encore des livres que nous vous présentons. On va y placer aussi des liens utiles, des articles dont on vous parle en cours d'émission. Et puis, si vous voulez écouter l'émission, ben vous trouvez la balado qui donne accès aux trois dernières, quoique là, j'ai vu les deux dernières, je sais pas pourquoi, ainsi qu'à la totalité des émissions qui sont disponibles dans la section émissions. Jean-Claude Cloutier, bonjour. Bonjour, David. Ouais, cette semaine, on fête, hein, c'est... Je dirais plutôt qu'on souligne certains événements. Je trouvais ça plus... ouais, c'est ça, c'est mon cynisme, mon sarcasme habituel. Bref, on fête cette semaine, entre guillemets, les 10 ans du début de la crise de 2007, mais tu me dis, tant qu'à faire, ça fait 30 ans aussi pour la crise de 87. Oui, il y a toujours moyen de trouver des anniversaires, mais je pense que ces deux-là sont assez significatifs parce qu'ils ont vraiment marqué là, les dernières décennies. Puis je pense là, aussi c'était un peu un prétexte, évidemment, de parler d'anniversaire. Là, c'est plus pour dire que présentement, il y a certains signaux dans l'économie qui nous disent « Ouais, mais là, ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu une bonne crise, peut-être qu'on est dû. » Fait que c'est peut-être un peu ça qu'on peut regarder aujourd'hui. Qu'est-ce qui a provoqué les crises de 87 et de 2007? Puis aujourd'hui, est-ce que ça ressemble à ça? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Évidemment, on est dû. On le souhaite pas vraiment, mais c'est une façon de dire les choses. Puis pour en discuter, moi, je me suis entretenu avec l'économiste Jean-Pierre Furlong, qui on a eu le plaisir d'entendre d'ailleurs à cette émission, hein, n'est-ce pas, il y a quelques semaines. Et il m'a-t-il dit, c'est un nouveau fan. Alors je le salue. Et il va nous parler des indices qui nous permettent justement de croire que la nouvelle crise est possible. Et puis il va aussi nous dire en quoi ça nous touche, hein, en quoi l'économie réelle est atteinte, parce que parler de la crise, c'est une chose, mais dire en quoi ça vous concerne directement, c'en est une autre. Et puis Jean-Claude, chiffre de la semaine. Oui, mais en fait, on travaille dans le long terme aujourd'hui. C'est plutôt le chiffre de la décennie. Ah, d'accord. C'est 5384%. Je vous donne le chiffre, il s'agit maintenant de trouver de quoi il s'agit. 5384%, qu'est-ce qui a augmenté à ce rythme-là depuis 10 ans? Alors, je pourrais trouver plein de choses, mais en tout cas, je peux te dire que ce n'est pas la moyenne du gardien de but du Canadien. D'efficacité, j'entends. Réponse donc, en fin d'émission. I've got 90,000 pounds in my pajamas. I've got 40,000 French francs in my fridge. I've got lots of lovely lira. Now the Deutsche Mark's getting dearer, and my dollar bills would buy the Brooklyn Bridge. There is nothing quite as wonderful as money. There is nothing quite as beautiful as cash. Some people say it's folly, but I'd rather have the lolly. With money you can make a splash. There is nothing quite as wonderful as money. Money, money, money. There is nothing like a newly minted pound. Money, money, money, money. Everyone must hanker for the butchness of a banker. It's accountancy that wakes the world around. Round, round, round. You can keep your Marxist ways, but it's only just a phase. For it's money, money, money makes the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money. trouvais que ça introduisait fort bien notre sujet. Parlons d'argent. Jean-Claude, donc, on va commencer par l'aspect historique des choses. Il y a ces deux crises-là dont on veut parler, on veut souligner. Est-ce que tu commences par celle de 87 ou 2007? Oui, ben, on pourra en parler, oui, les deux à la suite. On va commencer logiquement par 87. Peut-être, malgré tout, avant de commencer, dire qu'en économie, c'est peut-être pour ça que les économistes ont mauvaise réputation parfois, qui se font traiter depuis 200 ans que des professionnels à la triste figure. C'est parce que on aime ça parler de crise, puis on va parler de crise financière aujourd'hui, mais il y a toutes sortes de crises en économie. Rappelons des crises des monnaies, comme la crise du peso mexicain en 97, la crise des pays, comme la Russie a fait défaut, c'était en 97 ou 98, dans ces années-là. On a eu la Grèce plus récemment qui posait problème. Il y a des scandales aussi. Scandale d'Enron au début des années 2000, puis il y avait également d'autres films comme WorldCom et Anderson. Et des crises de secteur, comme dans la forêt, dans les pâtes et papiers, dans les mines, des choses comme ça. Mais là, on va parler, évidemment, oui, je devrais ajouter les crises comme les récessions, dans le fond, qui sont une baisse du PIB. Là, les spécialistes, dont M. Furlong, auraient des nuances à apporter là-dessus. Mais en gros, disons, quand le PIB recule, quand il y a plus de chômage, quand il y a moins d'investissement, on parle d'une véritable crise économique. Là, on parle plutôt de crise financière. Probablement que tantôt, M. Furlong et nous-mêmes pourrons épiloguer là-dessus. Il y a souvent des liens entre une crise financière et une crise économique. Mais la crise financière, dans le fond, c'est le monde financier qui est en cause. Oui. C'est les banques, c'est la bourse, c'est les compagnies d'assurance. C'est tout ce qui tourne autour de la gestion de l'argent et des épargnes. Ce qui fait qu'on peut peut-être avoir aussi le sentiment que ça nous concerne un peu moins. On va vous expliquer en quoi ce n'est pas tout à fait le cas. Mais effectivement, il y a une partie de cette activité-là, de cette action-là, qui est loin de nous. Bien, de toute façon, on y va là, vraiment dans le rappel historique. Puis je vais peut-être ajouter que les économistes puis le monde financier aiment ça, les mots qui frappent. On a parlé du crash ou du crack. Je ne sais pas comment. Ça doit être le crash, parce que le crack, c'est une autre chose. Ouais. Mais le crash de 87, qui a commencé par lundi noir. Le Black Monday, effectivement. Le Black Monday, vous voyez que les thèmes sont forts, ils font image. Pourquoi le Black Monday? Pourquoi le lundi noir qui tombait un 19 octobre? Parce que le Dow Jones, l'indice de la bourse de New York, a baissé de 22,6% dans une seule journée. C'est un record qui n'est pas encore battu aujourd'hui. C'est le record de tous les temps. Okay. En une seule journée, les valeurs des titres à la bourse, des actions, perdent 22,6%. Donc, c'est très important. Et ça a eu des effets d'entraînement. Ça a semé un peu la panique à travers la planète. La bourse de Hong Kong a baissé de 46%. Celle en Australie de 42%. En Angleterre, 26, puis au Canada, 22%. Donc, dans une journée, là? Les autres bourses, c'était un peu dans les journées où c'est dans le mois d'octobre, disons, en 87. Donc, vous voyez que ça a eu un choc là, assez important pour ceux qui avaient des placements à la bourse. 2007 était un peu différent, puis je dirais plus grave, parce que 87, ça s'est quand même rétabli relativement. Au cours des mois qui ont suivi, la bourse a pris un peu du mieux. 2007, ça a été plus grave qu'en 2007 et 2008, parce que ça a commencé en 2007, mais ça s'est prolongé en 2008 et au-delà. Là, c'était plus une crise de liquidité, puis de confiance, puis de solvabilité, parce qu'on s'était rendu compte qu'on avait prêté, on a fait des prêts hypothécaires à des consommateurs aux États-Unis, dont on s'est rendu compte à l'usage qu'il n'y avait peut-être pas les moyens de rembourser. Fait qu'il y avait tellement d'argent de prêter qu'à un moment donné, certains se sont réveillés puis ont dit, pour moi, on rentrera pas dans notre argent, on ne la récupérera pas. Donc, ça a créé une espèce de mouvement de panique qui, là aussi, a fait en sorte, finalement, que le crédit s'est arrêté. On arrêtait de prêter. Même les banques arrêtaient de se prêter entre elles. Et à plus forte raison, on prêtait de moins en moins aux entreprises. On n'était pas trop prêt à prêter au gouvernement non plus. Donc, ça a créé une espèce de mouvement. Et quand ils se sont rendus compte qu'il y avait des mauvais prêts qui avaient été faits, il y a beaucoup d'institutions financières de grande envergure aux États-Unis qui ont dû radier des actifs, c'est-à-dire dire, là, ça, ce milliard-là qu'on avait prêté, on ne pourra pas le récupérer, il faut qu'on l'enlève de nos livres. Par exemple, Goldman Sachs a perdu 1,5 milliard, a dû faire une radiation dans ses actifs de 1,5 milliard, n'a fait de rien. Citigroup, une grande banque, une des deux ou trois plus grandes banques américaines, a dû radier 6 milliards de dollars américains. Même les Suisses, reconnus pour leur prudence et leur richesse, ont écopé. L'Union des banques suisses a perdu 11 milliards de francs suisses. Les Allemands, reconnus pour leur prudence et leur discipline, la Deutsche Bank, perdu 2,2 milliards d'euros. Donc, c'est une crise majeure qui a affecté l'ensemble du monde financier, notamment des banques et de ceux qui prêtent, et les bourses également. Et ça, ça les a tellement affectés qu'on a cru à un moment donné que l'ensemble du système monétaire ou financier international pouvait s'effondrer. Ça, on n'a jamais connu ça, puis on souhaitait vraiment pas le connaître. Ce qui a amené les gouvernements, disons, à venir à la rescousse, puis à refinancer, à aider les banques à se refinancer, notamment à faire des prêts, à racheter des mauvais prêts. On a émis des liquidités. La Banque fédérale de réserve des États-Unis a émis entré dans une phase d'allègement, d'assouplissement monétaire qui a fait en sorte qu'ils ont beaucoup prêté au gouvernement et aux entreprises, de sorte qu'on a fini par s'en sortir, tant bien que mal, sans que le système s'effondre, mais ça a coûté très cher. Les gouvernements ont dû s'endetter. Ça a pris du temps avant que la confiance revienne. D'ailleurs, on avait présenté un excellent livre sur la crise de 2007-2008. Serge Truffaut. Je vous le recommande chaleureusement. Si vous voulez voir les notes qu'on avait prises à cet égard-là, vous le trouvez sur econophile.net. Un livre qui résumait fort bien, qui reculait d'ailleurs dans le temps. C'était une de ses forces aussi. C'était pas de dire, bon, la crise de 2007, ça, c'est le bordel. Non, il reculait même dans le temps assez loin, là. Oui, puis lui montrait dans le fond que c'est souvent les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Donc, c'est une chose qui est importante de se poser la question aujourd'hui. C'est, entre autres, notamment l'espèce de cupidité des grandes institutions financières. Puis, Si peu. Puis le laxisme des gouvernements aussi, parce qu'autant en 29 qu'en 87 et avant 2007, les gouvernements ont allégé la réglementation entourant le secteur financier et le secteur bancaire. Puis c'est, en tout cas, c'est une des causes, peut-être pas la seule, mais une des causes qui a pu provoquer ces crises-là. Mais est-ce que tu as fini l'aspect historique avant que je penche? Bien, peut-être, j'ajoutais juste deux petits éléments dans mon rappel de l'horreur. Il y a au Canada, on les connaissait moins, mais il y a une grande banque d'affaires comme Lehman Brothers qui avait des actifs de 59 milliards qui a fait faillite. Et ça, c'était vraiment le sommet de la panique. C'était là que le gouvernement fédéral américain a décidé d'intervenir. Peut-être également ajouter là, qu'il y a eu du menu fretin, là, c'est-à-dire une centaine d'établissements financiers aussi, en plus de Lehman Brothers qui ont également fait faillite en 2008. Ouais, des acteurs qui étaient d'ailleurs gros, connus, solides, on ne pensait pas que ça pouvait arriver comme ça. C'est parce qu'encore une fois, les grands financiers de New York, on les connaît moins, toi et moi, David, on ne les fréquente pas tous les jours. Je les ai appris à les connaître après. Une dernière statistique là, qui est importante, c'est que tout ça, évidemment, je mentionnais d'entrée de jeu tantôt qu'il n'y a pas toujours un lien entre crise financière et crise économique. Il y en a eu un dans ce cas-là en 2007-2008. Le PIB mondial a reculé de 2,2% en 2009. Ça a varié selon les pays. Évidemment, le Canada et le Québec ont été relativement épargnés, mais ça fait mal à bien des endroits dans le monde. Oui, parce que quand le PIB recule, il y a des investissements qui ne se font pas, il y a des contrats qui ne se prennent pas, il y a des jobs qui... Le chômage a monté à près de 10% aux États-Unis, puis rappelons-nous qu'il est à 4-5% présentement. Donc, vous nous voyez venir en disant que ça finit par toucher l'économie réelle et d'aplomb. Pour nous conduire, avant de parler des effets sur l'économie réelle, si on parlait un petit peu de la situation actuelle, parce que la raison pour laquelle on voulait un peu fêter ce 10e anniversaire, c'est parce qu'il y a des indices devant nous. Je vais juste vous lire quelques petits extraits d'articles de journaux récents pour vous montrer à quel point, pour l'instant, Jean-Claude, il y a comme de l'effervescence. On est excité. Ça va donc bien. La bourse au rythme de la hausse des taux d'intérêt. Donc, ça, c'est 14 octobre. La hausse des taux d'intérêt fait la vie dure au portefeuille obligataire et force ceux en action à se repositionner. Les titres sensibles au loyer de l'argent sont sous les projecteurs. Étonnamment, malgré sa cherté, le marché boursier reste encore aujourd'hui le premier choix des investisseurs institutionnels dans l'univers des valeurs mobilières. Mais l'on se prépare une correction en augmentant le poids des liquidités dans les portefeuilles avec pour intention d'acheter sur faiblesse. Ce qu'il faut, en fait, je vais vous lire la suite parce que quelques jours plus tard, on écrit ceci en lien. Le Dow Jones clôture pour la première fois au-dessus de 23 000 points. Yeah! En pleine période de résultats, Wall Street a clôturé à des records. On parle de records mercredi. Le Dow Jones plus 0,7%, terminant pour la première fois au-dessus des 23 000 points. Les résultats d'entreprise et les données économiques font poursuivre sa tendance haussière au marché. Donc, comprenez qu'on dit que ça ne cesse d'augmenter pour l'instant. Le troisième trimestre solide d'IBM a porté la hausse de Wall Street. Les technologies, c'est des termes qui vont revenir beaucoup. La publication en cours de séance d'un rapport de la Banque centrale américaine évoquant une stagnation des prix et des salaires en août et septembre dans le pays, malgré l'étroitesse du marché de l'emploi, a eu peu d'effet sur les cours. Donc, vous voyez que même les choses qui se passent autour, pas grave, on continue, ça va bien. Je poursuis le 24 octobre. Le nickel, notamment porté lundi par la large victoire du premier ministre japonais, donc il y a une influence politique là-dedans, aux élections législatives anticipées, si on parle de Shinzo Abe, a fini la séance sur un gain de 1,1% à 21 696. Donc l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes de la bourse de Tokyo a signé lundi sa 15e séance de hausse d'affilée. 15 séances de hausse d'affilée. Là, vous dites, je comprends pas grand-chose, on s'en vient. Un record absolu depuis la création de ces indices en 1950. Bref, on pourrait sortir plein d'articles comme ça pour dire que il y a comme une effervescence, c'est au moins le mot. C'est constant en plus, ça progresse sans arrêt, là. Oui, bien, l'ancien président de la Fed, là, Alan Greenspan, parlait d'exubérance irrationnelle, oui, mais c'est la même idée, dans le fond, c'est que les articles que tu viens de lire le mentionnent très bien, c'est qu'on comprend pas pourquoi les gens continuent d'être si optimistes. Moi, je ferais lien avec M. Thaler, prix Nobel d'économie, récent, dont on a parlé, oui, il y a deux semaines. Lui, il mentionne très bien, lui, son apport à la science comportementale en économie, c'est qu'il dit que les gens sont pas rationnels en économie, malgré ce qu'on serait porté à penser. C'est que quand ça va bien, on est porté à penser que ça va causer d'aller bien tout le temps. Puis c'est ça qui fait qu'il y a des comportements comme celui-là. J'ajouterais peut-être à la liste, parce que ça, on met beaucoup l'accent sur Wall Street, sur la bourse, les différentes bourses dans le monde, l'indice Nikkei, entre autres, au Japon. Il faut rappeler qu'en le monde immobilier, c'est pas le même problème. Je ne sais pas si on peut qualifier ça de problème, mais il y a une exubérance là-dedans aussi. Oui. Le prix des maisons augmente peut-être pas tellement à Québec, mais pas mal partout ailleurs dans le monde. Puis le Canada même, c'est à Toronto, Vancouver, il y a d'autres endroits au Canada que... plutôt qu'au Québec, mais le Canada est champion mondial de l'indice, la croissance du prix de l'immobilier présentement. Donc ça ressemble beaucoup à 2006-2007, un des facteurs qui présidait à la crise financière de 2007, c'est-à-dire l'espèce de bulle immobilière. Donc c'est un des indices pour la suite des choses. Si on écoutait Jean-Pierre Furlong, si ça te convient, Jean-Claude. Alors écoutons tout de suite première partie de l'entretien avec l'économiste Jean-Pierre Furlong. Donc il parle d'abord des indices, de ce qu'on peut observer présentement, qui peut nous permettre de penser que ça s'en vient, hein, effectivement, et peut-être, oui, une autre crise, on verra. Qu'est-ce que vous voyez dans le passé qui vous permet de penser qu'actuellement, on est à risque? En fait, c'est que le fait qu'on a maintenu les taux d'intérêt puis qu'on continue de maintenir les taux d'intérêt là, à un niveau particulièrement bas. Et ce qui fait que les gens, à ce moment-là, pour aller chercher un certain rendement, ces temps-ci, sont portés à aller vers des choses plus risquées qu'auparavant. Là. Le taux d'intérêt bas, est-ce que le taux d'intérêt bas aussi décourage l'épargne et donne envie de consommer? Oui, ça donne envie non seulement de consommer, mais de s'endetter. Hein, parce que le coût de la dette, là, c'est-à-dire l'intérêt qu'on a à payer, est relativement bas. Mais en même temps, le niveau d'endettement, autant chez les consommateurs que chez les gouvernements, est très, très, très élevé. Mais le fardeau de la dette, lui, demeure relativement bas dû au fait que les taux d'intérêt, eux, demeurent relativement bas, là. Donc, pour aller chercher du rendement sur votre épargne à ce moment-là, ou sur vos investissements, vous êtes porté à aller vers des investissements un peu plus risqués. Ouais. Et donc là, c'est là finalement où il peut y avoir, disons, une certaine inquiétude. Mais en même temps, on est dans une situation où l'économie va relativement bien. Là. Puis même ce matin, les chiffres sur le PIB américain, là, bien, démontrent que même s'il y a eu des conséquences négatives avec les ouragans, l'économie américaine a quand même bien performé au troisième trimestre de l'année. En plus, bien, pour alimenter la confiance dans les marchés financiers, là, où il y a le plus de risques ces temps-ci, bien, les résultats des entreprises au troisième trimestre ont été très bons, et quand ils rapportent leurs résultats, ils font état aussi de ce qu'ils anticipent pour les mois à venir, et encore là, ils anticipent que les bénéfices seraient encore meilleurs pour les mois à venir que ce qu'ils ont été pour le troisième trimestre. Oui, ouais. C'est ça, parce qu'on dit, il y a une école de pensée qui veut que les acteurs économiques soient rationnels, ils fassent des choix rationnels. Or, dans la vraie vie, il y a beaucoup de psychologique, il y a beaucoup d'émotifs aussi. Ce que je comprends bien de ce que vous dites, c'est que dans le fond, parce que les taux d'intérêt sont bas, on veut du rendement, donc on est prêt à prendre plus de risques. Puis en plus, de toute façon, ce qu'on lit dans les journaux, c'est que ça va bien. Ben oui, c'est ça. parce que quand on jette un coup d'œil là, à ce que le Fonds monétaire international a publié au mois d'octobre, là, au début de plutôt ce mois-ci, là, concernant l'évolution de l'économie et aussi sur la stabilité financière dans le monde, là, on voit qu'il y a quand même des choses qui peuvent venir appuyer l'optimisme des marchés, là, bien que l'optimisme là, des marchés, bien il y a une partie de ça là, qui peut être interprétée comme étant de l'exubérance là, dans une certaine mesure, mais encore là, il y a un fondement là, à ce qui se passe. Là. Qu'est-ce qu'on craint comme crise? Qu'est-ce qu'on peut dire, ce qui pourrait arriver? La crainte, c'est qu'on n'obtienne pas les rendements espérés. Là. C'est que la dette, en fait, est très, très élevée, autant chez les consommateurs que chez les gouvernements, puis même chez plusieurs entreprises. Et donc, c'est souvent ça qui est à l'origine des crises financières. Hein. C'est la dette et la capacité de rembourser cette dette-là. Et là, actuellement, ben il y a beaucoup de dettes, comme je viens de le mentionner, là, autant chez les consommateurs que chez les gouvernements. Et le fardeau de la dette est pas très élevé, lui. Et donc, mais un jour ou l'autre, là, à un moment donné, bien le fardeau de la dette là, va finir par peser sur les perspectives économiques aussi. Là. Le problème, c'est que c'est à peu près impossible de prévoir quand il y aura une prochaine crise, là, parce que quand on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire, là, c'est que la plupart du temps, quand les crises surviennent, même si on sait qu'il pourrait bien y en avoir une, on ne sait pas quand et qu'est-ce qui sera à l'origine cette fois-ci de la crise. La fois précédente, on sait que c'était le degré de vulnérabilité par rapport aux fameuses hypothèques à risque aux États-Unis, là. Mais ça, c'est plus facile à dire maintenant qu'on le sait, là. Mais quel sera l'élément déclencheur de la prochaine crise, financière, là? Ça, c'est très difficile, là, et parce que quand on sait que ça pourrait être tel et tel élément, ben on prend des mesures pour essayer de les atténuer. Oui, c'est facile, on le saurait, puis on l'appréviendrait. C'est ça. Et donc, puis il y a toujours aussi la possibilité là, que certaines entreprises, notamment dans le domaine financier, là, dans les banques, tout ça, bien, on n'est jamais à l'abri aussi de données qui sont surestimées ou qui sont en partie falsifiées. Là, mais ça, c'est plus tard qu'on sait. Là, alors, mais ça peut être des éléments déclencheurs. Là, donc, on ne peut pas vraiment prévoir quel sera l'élément déclencheur qui va faire en sorte qu'après ça, tout s'écroule. Là. C'est l'émission Econophile qui se poursuit au 89.1 CKRL. David Lemelin au micro, en compagnie de l'économiste Jean-Claude Cloutier. On parle de crise financière passée et peut-être à venir. Jean-Claude, tu as sûrement des choses à dire. C'était très intéressant cette première portion avec Jean-Pierre, où on a bien compris que finalement les taux d'intérêt sont bas, ça fait qu'on a envie de faire de l'argent, donc faut pousser la machine. Oui, ben en fait, je pourrais peut-être ajouter quelques autres éléments à ce que M. Furlong a dit. Là, je ne pourrais certainement pas le contredire parce que c'est tout à fait exact là, ce qu'il a avancé, ce qu'il a proposé. Mais peut-être te rappeler quand même que même si oui, tout semble aller très bien, puis c'est vrai, beaucoup d'économistes, beaucoup d'institutions très crédibles, par exemple, disent on vit une embellie qu'on a rarement connue, c'est-à-dire l'économie mondiale semble aller bien. Presque partout en même temps présentement, ce qui est un facteur là, assez extraordinaire puis qui pourrait nous rassurer. Mais c'est comme Galilée l'a déjà démontré, tout ce qui monte doit redescendre à un moment donné. Puis ça fait déjà pas mal longtemps que ça monte. Puis je rappellerai aussi, puis je veux pas insécuriser personne, là, mais on a connu de notre vivant des cas comme celui de Nortel, par exemple, où l'action était à 120$, puis tout le monde continuait à en acheter en disant on va devenir millionnaire facile. Mais à peu près au bout d'un an, l'action valait à peu près 2$. Puis on a eu le cas de BlackBerry, puis la Finlande a connu le cas de Nokia. C'est parce que Puis même ici, on a parlé un petit peu brièvement lors d'une émission précédente, mais même des grandes firmes qui vont très bien présentement, comme Apple, là, ça va bien, mais c'est parce qu'ils ont réussi, depuis une quinzaine d'années, à toujours sortir un nouveau produit qui se vend très bien. Mais à un moment donné, peut-être que ça va arriver qu'Apple ne saura plus trop quoi inventer d'autre. Quand tu vas être rendu au iPhone 27, là, tu vas faire quoi de nouveau? Là, ouais. Puis tu vas-tu réussir à en vendre des iPhone 27? Je ne sais pas. Fait que ça peut tomber vite. Puis un autre facteur d'insécurité, c'est que Amazon, ça va très bien. C'est une des grandes capitalisations boursières. Ils ont affiché des bénéfices importants cette semaine. Mais Amazon, ça a un paquet d'effets sur tout le secteur du commerce. Puis on a vu ce qui est arrivé à Sears, Sears au Canada, en tout cas. Ça, c'est des facteurs. Je donne ça comme exemple. Je ne dis pas que c'est là que ça va venir, mais à mon avis, il peut y avoir de graves problèmes dans un secteur important pour l'économie. Ça peut être le commerce de détail. Et là, ça peut avoir des effets d'enchaînement, d'entraînement sur l'immobilier, parce que Sears avait quand même occupé des locaux dans des centres commerciaux au Canada. Donc, tout ça peut, à un moment donné, affaiblir la confiance dans l'économie, puis très vite avoir des répercussions sur le monde financier, puis le monde financier, à son tour, a des répercussions sur le monde réel. Oui, on va revenir dans quelques minutes après la deuxième partie de M. Furlong pour parler justement vraiment là, des dommages collatéraux, pour insister là-dessus, parler d'économie réelle. Mais reste qu'il y avait entre autres dans les certains articles que tu me proposais, ceux de The Economist, qui justement insiste là-dessus sur le fait que tout va bien, ça augmente sans arrêt. Et normalement, on devrait comme... ils disent quand tout augmente, ça devient moins passionnant et moins inquiétant, bizarrement. Tu sais, c'est qu'on devrait être vigilant, mais... Il y a comme une heure d'aller où on se lève vraiment cette impression-là que ça va poursuivre. Mais plus loin, ils disent dans le même papier, par contre, il serait stupide de supposer que les prix des actifs doivent rester élevés, quoi qu'il arrive. De nombreux dangers pourraient faire dérailler l'économie et les marchés financiers, de la crise de la dette en Chine à la guerre commerciale menée par les Américains, n'est-ce pas? C'est un élément, d'ailleurs, Jean-Pierre en parle, ou à l'éclatement de combats dans la péninsule coréenne. Et quand viendra la prochaine récession, les décideurs auront moins de munitions fiscales et monétaires pour la combattre que lors des précédents ralentissement. Il incite quand même à la prudence. Ce qu'on comprend, c'est que c'est tout ça est très le fun, mais on reste... Il y a une certaine vigilance, malgré tout. Bien, c'est-à-dire que oui, faut être vigilant, parce que ça, c'est sûr, c'est impossible que ça continue d'augmenter tout le temps comme ça, parce que ça nous renvoie à un des grands débats contemporains, à savoir que l'économie est basée sur la croissance, puis on ne peut pas croître à l'infini. Je prenais tantôt le cas d'Apple, là, qui toute sa croissance, tout son succès dernier repose sur le fait qu'ils ont réussi toujours à trouver des nouveaux produits pour vendre toujours davantage, mais il y a 8 milliards de consommateurs sur la planète. Quand tout le monde aura deux iPhones, là, tu ne pourras pas en vendre plus, là. Pas possible. Ben quoi qu'ils ont eu aussi la très bonne idée, machiavélique, de faire en sorte que celui que tu possèdes, un moment donné, il vient caduc. Hein? T'es obligé, tu peux plus faire les upgrades, faut que t'achètes le nouveau, parce que tu comprends-tu que ça aussi, c'est dans le mécanisme, c'était particulièrement brillant. Là. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est un autre problème. Oui, ben là, on est dans l'obsolescence programmée. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire avant qu'on écoute Jean-Pierre pour partie 2? C'est toi qui... Il reviendra tantôt avec d'autres commentaires. Écoutons Jean-Pierre. Très bien, oui, effectivement, parce qu'on a commencé à mettre la table un peu. Deuxième partie, donc l'entretien avec l'économiste Jean-Pierre Furlong, qui nous va parler des effets, donc des impacts de la crise. On va commencer à rentrer vraiment sur l'économie réelle, parce qu'il y en a, hein, malgré tout. Et puis, on va aussi parler de la question des États-Unis, qui, qu'on le veuille ou non, hein, je veux dire, c'est un acteur, ma foi, incontournable là-dedans, particulièrement quand il est question d'économie financière, donc. Est-ce que vous pourriez me dire en quoi une crise peut toucher l'économie réelle? Quand il y a une crise financière, il y a un problème de confiance à ce moment-là. Hein? Ouais. Et le mot crédit, justement, là, vient du mot... du mot credo, puis qui veut dire en fait là, que je crois. Et là, quand la confiance est minée, quand vous vous présentez comme citoyen à la banque pour emprunter, bien là, quand la confiance diminue, bien on sera moins porté à vous prêter. La même chose que si les gouvernements sont dans une situation difficile en raison de leur dette, bien, ils vont être obligés de payer beaucoup plus cher pour emprunter en situation de crise. Donc, ce que ça peut signifier concrètement quand il y a une crise financière et donc une crise de la confiance, c'est qu'il y a moins de liquidité dans le système financier et donc on sera moins porté à vous prêter. Puis même quand vous allez vouloir renouveler vos emprunts actuels, bien, on va vous demander encore plus de garanties. Et tant que vous avez, tant que l'économie continue de bien rouler, que vous avez un emploi, et que vous avez un emploi, bien là, pour vous, concrètement, ça peut vous amener à substituer dans votre profil de dépenses, à substituer des choses pour d'autres, de façon à mieux être en mesure de répondre aux exigences de votre institution financière. Mais tant que ça ne vient pas toucher votre emploi, concrètement, vous êtes quand même en mesure de faire face à la situation. C'est à partir du moment où vous perdez votre emploi, dans un contexte d'économie réelle qui sera affectée par une crise financière, c'est à ce moment-là que, de façon concrète, vous êtes vraiment affecté, là, et que votre capacité, non seulement de payer vos emprunts, mais tout simplement de payer vos choses courantes, vos achats courants, bien, c'est là où ça devient plus difficile. C'est surtout le principal élément, là, c'est du côté des dépenses, la capacité de dépenser, et de autant des citoyens que des gouvernements là, qui peut en être affectés. Là. Puis, Donc, marge de manœuvre du gouvernement veut dire un impact aussi dans la vie ça, des citoyens. Oui, ben c'est ça, parce que ça joue beaucoup dans notre économie. Là. Ici, au Canada, c'est un petit peu différent parce que les gouvernements comme le gouvernement fédéral ou le gouvernement du Québec, là, réussissent quand même là, à relativement bien gérer là, le fardeau de leur dette. Là. Mais c'est pas la même chose partout dans le monde. Mais à partir du moment où il y a une crise de confiance là, qui amène une crise financière, ben là, même si vous avez relativement bien géré vos affaires, il reste que quand votre économie est dépendante de ce qui se passe aussi sur le plan mondial, bien, vous êtes à risque que ça influence là, l'activité économique ici même au Québec puis au Canada. Là. Et si on se regarde dans la boule de cristal, on voit notamment un président américain qui parle de déréglementation. C'est aussi pour ça notamment qu'on reparle beaucoup de possibles crises devant nous. Ce qui est peut-être plus inquiétant que la déréglementation du côté américain, c'est beaucoup plus de, peut-être le protectionnisme américain là, qui pourrait apporter plus à conséquence que la déréglementation en soi. Là, parce que si vous avez à l'esprit que le président américain, lui, veut prône une déréglementation dans le domaine financier, bien, c'est que ça, c'est à partir de loi adoptée par le Congrès américain. Et même si la présidence américaine voulait déréglementer, tant que le Congrès ne se prononce pas là-dessus, là, bien le président n'a pas une si grande capacité que ça à bien des égards aux États-Unis, non seulement par rapport à la déréglementation, mais par rapport à bien des domaines. Là, on l'a vu récemment, comme dans le domaine de la santé, là, que le président américain n'a pas tant de pouvoir que ça. Non, il les fait pas les lois, non, c'est ça, c'est pas lui qui les fait. Là. Ben, c'est ça, puis le Congrès a donc un rôle à jouer. Et donc, ce qui est plus inquiétant du côté américain, c'est pas tellement la déréglementation comme le climat des affaires, là, où on prône, le président prône beaucoup le protectionnisme, là, puis même là aussi, il y a peut-être pas une si grande marge de manœuvre que ça, mais quand même, le discours qu'il tient, on sent que ça inquiète bien du monde, là, non seulement aux États-Unis même, mais aussi un peu partout dans le monde. Là. Si les États-Unis vont de l'avant avec des contraintes pour l'accès à leur marché, mais ça aussi, ça pourrait venir miner la croissance économique. Et là, à ce moment-là, si ça vient miner la croissance économique, bien, toutes ces anticipations, les anticipations de gains sur les marchés, à ce moment-là, sont affectées là, à la baisse, si on peut dire. Hein. À ce moment-là, ça peut contribuer à ce que les indices boursiers diminuent, que les anticipations de rendement aussi dans des investissements plus risqués s'effondrent progressivement aussi là. Donc vous savez, c'est l'économie réelle qui viendrait influencer l'économie financière, si on peut dire. Beaucoup de choses intéressantes ont été dites. Avant, peut-être, Jean-Claude, si tu le permets, avant de parler de dommages collatéraux, se concentrer un peu sur les États-Unis, parce qu'il m'a quand même dit quelque chose qui, moi, m'a étonné, comme lecteur d'économie depuis quelques années, qui a mis presque de côté la déréglementation. Ça m'a étonné parce que je lisais quand même pas mal que on craignait beaucoup que la déréglementation puisse vouloir dire à moyen ou long terme que les produits financiers toxiques qui ont pollué nos vies puissent revenir par la porte d'en arrière, parce que, tu sais, quand on surveille moins, on surveille moins. Mais qui a dit vraiment, ouais, OK, des réglementations, mais c'est pas tellement ça, ça m'a étonné. Ben, c'est-à-dire, l'explication que M. Furlong apporte est quand même très, très valable, dans la mesure où il dit, M. Trump peut bien dire ce qu'il veut, il peut bien dire n'importe quoi, mais il faut qu'il fasse approuver sa législation par le Congrès, ce qui se fait pas, l'expérience de la dernière année le montre bien, là, ça se fait pas automatiquement. Par contre, oui, je pense que Trump est sensible, peut-être expliquer un petit peu cette idée-là, une idée là qui est une information qui me semble intéressante, c'est que ça anticipe un peu, dans le fond, qui a souffert d'une crise financière. Il y a des données qui sont sorties dans Globe and Mail là, il y a quelques semaines, à l'effet que le secteur, dans le fond, qui a le plus perdu de la crise de 2007, sur une base de 10 ans, là, c'est quand même le secteur financier. Ce qui, à quelque part, il y a une espèce de justice immanente dans tout ça. C'est-à-dire que le secteur qui a le... Si on regarde les rendements sur 10 ans, là, les placements que j'avais faits dans différents secteurs de l'économie, le secteur qui a le moins progressé, c'est le secteur financier qui a cru de 7% seulement. Ses bénéfices ont cru de 7% base de 10 ans, alors que les biens de consommation, ça l'a cru de 180%. Alors, vous voyez que le secteur de la consommation s'est beaucoup mieux rétabli de la crise de 2007 que le secteur financier. C'est ce qui fait dire probablement qu'il y a dépression. En tout cas, M. Trump est sensible à ça. Lui, il dit, ouais, le secteur financier, ils font pitié, dans le fond. Il faudrait alléger la réglementation parce qu'ils sont plus capables de faire de profit. Ouais. Quoi qu'ils font plus de profit, notamment parce que la loi Dodd-Frank puis les accords en Europe de Bâle III ont fait en sorte que maintenant les banques doivent garder davantage de réserves, davantage de capital, de capitaux pour faire face à des crises éventuelles. De sorte qu'ils ont ils peuvent moins prêter qu'avant. Ouais, il faut qu'ils gardent plus de réserves. C'est là-dessus, entre autres, que M. Trump dit, ouais, ben là, ils font pitié, les banques. Il faudrait les enlever un peu le corset dans lequel ils sont pris présentement. Mais comme disait M. Furlong, c'est quand même pas fait. Il peut bien le dire sur toutes les tribunes, ça reste encore, il faut que le Congrès l'approuve. D'ailleurs, je lis une ligne qui va faire plaisir à ceux qui, comme moi, apprécient chaleureusement Trump. On disait notamment par rapport au fait que si ça va si bien sur le plan financier boursier, vous comprenez bien que Trump va dire que c'est à cause de lui. On le devine, le président américain attribue ce long ralliement à son arrivée au pouvoir. Hein. Chaque poussée des cours digne de ce nom est récupérée en tweets et mise à son crédit. Certes, depuis les élections américaines, le Standard & Poor's 500 affiche un gain de 20%, mais rien d'étonnant. Lorsqu'on le compare la performance boursière après une première année électorale, celle de Donald Trump a été surpassée à 5 reprises depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, si on vous dit ça, vous dites, ah, je suis arrivé 5 fois avant. Sous Bill Clinton, la poussée avait été de 31%. Donc, tiens-toi. Ça me tentait de... Maintenant, si on continue sur les dommages collatéraux, sur ce que ça peut vouloir dire, il y a toutes sortes d'éléments qui sont à risque et qui touchent le vrai monde, comme on dit. Oui, ben peut-être, pour les résumer de façon un peu simple, peut-être je ramène un peu l'opposition que d'entrée de jeu on a faite lors des crises financières, des crises économiques. Oui. Puis M. Furlong en a parlé aussi, là, des fois, ça... crise financière peut se traduire en crise économique, pas tout le temps, là, mais c'est là que ça fait vraiment mal. Dans le fond, on peut rattacher ça à une distinction qu'on a faite à quelques reprises lors des missions précédentes, y compris l'hiver dernier, c'est la distinction entre la richesse puis le revenu, dans le fond. Une crise financière, c'est des gens qui ont de l'épargne, donc de la richesse, puis ils veulent la faire fructifier, ils la mettent dans différents instruments financiers, notamment des actions, des obligations, puis des choses un peu plus complexes aussi. On n'entrera pas là-dedans. Mais quand il y a une crise financière, bien là, c'est que la valeur de votre épargne, de votre richesse, baisse d'un coup sec. Puis, notamment, là, en 2007, le Standard & Poor's, qui est un des indices de la bourse, a perdu 57% de sa valeur en 18 mois. Présentement, là, le Globe and Mail a mentionné quelques chiffres là-dessus, justement. On avait l'impression que les prix des actions étaient surestimés de 40%. Ça veut dire que si vous avez... 1 million de placés à la bourse, puis s'il y a un crash, une nouvelle crise qui rabaisse ça à la valeur qu'on estime normale, vous perdez 400 000 piastres d'un coup sur votre million. Donc, ceux qui ont de la richesse, c'est eux qui sont le plus menacés par une crise financière. Ceux qui n'ont pas une scène de placement, c'est plate pour eux dans la vie courante, mais eux ne perdent pas grand-chose d'une crise financière. Si ça se dégrade en crise économique, baisse du PIB, chômage, baisse des investissements, ben là, ça a un impact sur les revenus, c'est-à-dire qu'il y a moins d'argent qui circule dans l'économie, il y a moins de salaires qui sont versés, surtout si vous êtes en chômage. Donc là, il y a une autre catégorie de personnes qui est touchée, puis c'est beaucoup plus vaste parce que ça touche, dans le fond, presque l'ensemble des citoyens. J'ajouterais une chose, les gouvernements sont impactés aussi, et moi, ce qui me préoccupe beaucoup, parce que je suis Québécois, c'est le gouvernement du Québec, parce que le gouvernement du Québec, on se rappelle qu'en 2007, c'est une institution du gouvernement du Québec, la Caisse de dépôt. Tout le monde a été un peu traumatisé par ça. La Caisse de dépôt a perdu 40 milliards dans la crise de 2007-2008. Et donc, ça pourrait encore aujourd'hui, s'il y avait une crise financière, il y aurait des impacts possibles au niveau de tous les fonds de pension et notamment la Caisse de dépôt. Si je vais en raffiner encore un petit peu plus loin, une chose moi qui me préoccupe un peu, mais je suis un des seuls que ça préoccupe au Québec, c'est le Fonds des générations. Le Fonds des générations, c'est le gouvernement du Québec s'invente des déficits, c'est-à-dire parce qu'il place de l'argent dans le Fonds des générations en disant « je fais fructifier cet argent-là ». On ne sait pas exactement où est-ce qu'il la place, mais il en place sûrement une partie à la bourse ou dans d'autres sortes de placements. Moi, ça m'inquiète un petit peu. C'est une crise financière, les 10 ou 15 ou 20 milliards qu'on a ou qu'on va avoir dans le fonds de génération, ça pourrait, je ne dirais pas, disparaître complètement. Mais il peut fondre aussi, tout à fait. Moi, comme citoyen, j'aimerais bien mieux que le gouvernement rembourse sa dette au plus vite, c'est ce qu'il veut faire, plutôt qu'attendre en 2027 ou 2028 pour le faire, parce qu'il peut y arriver des crises financières. Politiquement, on comprend qu'il y a ça donne des marges de manœuvre pour pouvoir faire des annonces ou prendre des décisions. En tout cas, c'est très politique comme choix, ça, c'est très clair. Économique, pas sûr que ça se défend tant que ça. Bien là, tu m'amènes sur le plan politique, je ne devrais pas aller là-dessus, mais je pense que c'est une façon, d'avoir l'air pauvre, c'est-à-dire qu'on a des surplus, mais on fait comme si on était à l'équilibre budgétaire. Ouais. Alors que, année après année, maintenant, le gouvernement du Québec fait des surplus, mais le surplus, il place dans le fonds des générations. Ce qui veut dire que vous êtes surtaxé. Notamment. Mais je veux juste, moi, en profiter pour... j'avais mis la main sur un article parlant d'impact qui s'intitule vraiment « Quel est l'impact de la crise sur l'économie réelle? » Regarde, simple, net, prêt, précis. Ça avait été publié dans Le Monde en 2008. Alors, il faisait vraiment la recension des effets. Quand on dit que ça touche le vrai monde, là, emploi, crédit, prix, investissement, fiscalité, la crise financière qui sévit provoque un ralentissement important de l'économie. Il parlait, entre autres, il disait que, évidemment, le chômage était en hausse, comme on l'a mentionné. Indicateur avancé, l'indice des directeurs d'achat dans l'industrie de la zone euro s'est établi en septembre à son plus bas niveau depuis décembre. Bon, donc, ça veut dire que la baisse importante du volume des nouvelles commandes ayant conduit les fabricants à réduire leur production et à diminuer leurs effectifs. Vous comprenez que ça veut dire que si on fait moins de commandes, les gars ou les filles, on les fait pas rentrer. Donc, il n'y a pas d'emploi. Il y a du monde qui vont être en chômage ou qui vont être carrément et perdre leur emploi. Ça, c'est possible. Accès au crédit plus difficile. Quand on disait que les banques se prêtent pas en telle, c'est effectivement ça qui est écrit là. Les difficultés des banques portent en germe un accès au crédit nettement plus difficile. Les enquêtes de la Banque centrale européenne montrent que depuis l'été 2007, donc à l'époque, rappelez-vous, ça faisait un an que ça perdurait, les banques ont nettement resserré les conditions auxquelles elles accordent leurs prêts aux entreprises ou aux ménages. Inquiets, les acteurs de ce marché redoutent la faillite d'un de leurs homologues. Les pertes des banques sur les marchés financiers et les provisions qu'elles doivent passer pour dépréciation réduisent leur capital et diminuent leur capacité à prêter. Et là, ça finit donc par vous toucher directement. Là, évidemment, on allait plus loin en parlant des investissements qui sont suspendus, des marges de manœuvre budgétaires du gouvernement dont on parlait. Bref, ça finit effectivement, même si c'est financier, quand ça descend, que ça vient au niveau de la crise plus économique, là vous êtes touché. C'est pour ça qu'on en parle, parce que sans ça, ça touchait juste des gens milliardaires, on se dirait c'est tel que tel. Hein? Exactement. Avais-tu d'autres choses à ajouter pour clore le dossier? Peut-être j'aimerais ajouter, moi, parce que ça m'a obligé cette semaine à réfléchir beaucoup là-dessus, à me documenter. Puis j'en suis presque venu à la conclusion que un vieux motto que j'aime beaucoup, une expression que j'aime beaucoup, c'est que le pire n'est pas toujours sûr. Puis c'est quand même pas évident. C'est pas évident qu'on va avoir une crise financière majeure. Il y aura peut-être un certain rajustement. Mais je vais prendre deux exemples, deux facteurs, si tu veux, qui pourraient faire en sorte qu'on ait une espèce d'atterrissage en douceur. Mettons que la bourse, c'est une bulle présentement. Mettons que l'immobilier, c'est une bulle. Si les prix sont trop élevés, l'idée, c'est de ramener ça à des proportions plus raisonnables, mais en douceur, tranquillement, pas vite. Deux facteurs. La chaîne épargne beaucoup moins d'épargne nette qu'elle n'avait il y a quelques années. Puis, dans le fond, les bulles, c'est parce qu'il y a trop d'épargne, trop d'argent qui est placé. Donc, puis c'est beaucoup alimenté par la surépargne, l'épargne excessive de la Chine. on nous dit présentement la Chine exporte de moins en moins d'épargne. Donc, c'est un facteur qui enlève de la pression sur, qui enlèvera de la pression sur les bourses et sur le marché immobilier. Puis la démographie aussi, parce que on sait très bien dans les pays occidentaux et même et en Chine aussi, la population vieillit beaucoup et les gens arrivant à la retraite, les gens se retirant du marché du travail, bien, retirent leur épargne. Donc, c'est de la pression de moins encore là sur les marchés financiers. Puis ça se fait en douceur. Les gens ne retirent pas toute leur épargne du jour au lendemain. Ils le font au fil des années. Donc, peut-être qu'il y aura des pressions qui s'exercent actuellement sur la bourse et sur le marché immobilier qui vont se résorber progressivement au cours des prochaines années. Donc, on va peut-être s'en tirer avec un moindre mal. C'est à souhaiter. Bien, tant mieux. C'est pas si pire. Écoute, on aurait eu le temps, j'aurais aimé ça avoir le temps de te parler des prétentions de McNally David par rapport au capitalisme et à une crise, mais on n'aura pas le temps d'en parler cette semaine. C'est triste, mais on y reviendra. Dans quelques instants, on va plutôt vous parler d'immigration dans quelques secondes. Dans ça, j'ai pris cette pièce-là, cette œuvre, parce que quand ils disent « res », je pensais que c'était l'Espagne qui parlait à la Catalogne. res! Jean-Claude, donc, des chiffres qui ont été publiés cette semaine, qui donnent une bonne idée, donnée du recensement 2016 publié, qui offre un portrait de l'évolution réelle de la population immigrante canadienne, qui représente dorénavant 21,9% de la population totale, soit plus d'un Canadien sur cinq. Et c'est en croissance, c'est ce qu'on comprend. Ben c'est ça, oui, puis moi je trouve ça intéressant, significatif. On le sait là depuis déjà quelques années, mais le Canada, c'est vraiment, c'est ce qui démarque un peu le Canada de beaucoup d'autres pays. Parce qu'on est le pays, je pense, au monde, peut-être avec l'Australie. Là, c'est exactement ce qui est dans l'article, oui, effectivement. Pas sûr lequel est le plus élevé, mais les deux sont parmi les champions mondiaux de l'immigration présentement. On dit que dans la plupart des autres pays en développement, le taux d'immigration sont beaucoup plus faibles. Le seul pays qui ressemble au Canada en matière d'immigrants, c'est l'Australie. Il rappelle que cela s'explique notamment par le fait que le Canada et l'Australie sont deux pays récemment colonisés. Ce sont des pays qui ont des territoires énormes, qui ne sont pas encore urbanisés et habités partout, et donc qui cherchent à augmenter leur poids démographique relatif, ce qui n'est pas le cas en Europe, évidemment. Là, on dit que dans les pays qui sont établis, ils acceptent des immigrants pour des questions de droits de l'homme ou par besoin de travailleurs. Et il y a aussi dans ces chiffres-là, Jean-Claude, et là, c'est l'économiste que j'interpelle, c'est parce qu'il y a de l'immigration économique aussi. Il y a ça aussi qui est en croissance et qui est indéniable. Oui, parce que les gouvernements, depuis quelques années, là, essayent toujours de dire on va faire en sorte que les immigrants nous aident à faire croître l'économie. Donc, il y a des critères de sélection qui portent justement sur la compétence des immigrants. Est-ce qu'ils ont des diplômes? Est-ce qu'ils sont prêts à travailler dans tel ou tel secteur? Est-ce qu'ils ont de l'argent avec eux? Est-ce qu'ils peuvent faire des investissements dans des commerces ou autre chose? Donc, c'est pas vraiment une surprise. Là. C'est qu'on veut vraiment mettre que les immigrants soient un apport à l'économie. On n'accueille pas les immigrants uniquement pour des raisons humanitaires, même si dans certains cas, évidemment, ça se produit également. Oui, parce que ça replace un peu le contexte, parce que c'est évidemment, on vit dans une période sensible où quand on parle d'immigration, l'impression d'envahissement et autres babioles qu'on peut prononcer à tort. Chiffre qu'on donne d'ailleurs, quelque 60% des immigrants admis au Canada entre 2011 et 2016 l'ont été en vertu de volets économiques. En ce qui concerne les réfugiés, ils représentaient 10% des étrangers ayant immigré au Canada entre 2011 et 2016. On est quand même loin de cette espèce de portrait qu'on voudrait bien nous faire, Jean-Claude. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'on est influencé un peu par des mouvements populistes là, peu partout dans le monde qui sont portés à dire qu'on est envahi, mais c'est... En tout cas, faudrait que ce soit nuancé, et notamment au Québec, parce que l'article qu'on a lu, c'est que, puis si on le savait un peu, mais ça s'est confirmé par le recensement, les immigrants se localisent beaucoup dans les grandes villes, notamment Toronto, Vancouver et Montréal. Les deux tiers des immigrants sont dans ces trois villes-là, et encore plus à Toronto qu'à Montréal, beaucoup. Ouais. Et ce qui se comprend, mais ce qui en même temps est un peu triste, enfin bref, il faut travailler là-dessus, mais c'est assez compréhensible comme geste d'aller rejoindre atteindre ceux qu'on connaît après tout. Chiffre de la semaine, pour terminer, chiffre du mois, si tu veux, en fait, 5384%, qu'est-ce que c'est? Bien, ça, c'est le taux de croissance. C'est, mettons ça, je vais vous donner un peu une image. Supposons que vous aviez investi, là, vous aviez investi, disons, dans le portefeuille de Netflix en 2007. C'est-à-dire, la veille que la crise débute en 2007, soit vous avez mis 1 000 $ dans Netflix. J'ai acheté 1 000 $ d'actions Netflix. Aujourd'hui, ça vaudrait 5,4 millions. Netflix est la compagnie en bourse qui a le plus profité des 10 dernières années. Elle déclasse et de très loin Amazon, dont on entend parler très souvent. D'ailleurs, Amazon, justement, il a fait des profits qui ont cette année. Important. Netflix, c'est le champion toute catégorie des entreprises en bourse. Donc, ils ont les moyens de payer des taxes. En tout cas, ben, vous les faites payer, je sais pas trop, mais c'est pas une compagnie qui fait pitié, mais imaginez, c'est quand même extraordinaire, là. Je m'en veux de pas avoir investi 1 000 $ dans Netflix en 2007. T'aurais dû te trouver un bon économiste pour te faire des conseils. Ouais. Merci, Jean-Claude. Alors voilà ce qui termine notre émission pour cette semaine. Merci Jean-Claude, merci beaucoup. Et merci également à Jean-Pierre Furlong, un nouveau fan, et moi je suis fan aussi de ses commentaires, très utiles. La semaine prochaine, on parlera de robotisation, hein, c'est à la mode, mais il y a quand même beaucoup à dire, et manquez absolument pas ça. Je vous rappelle que nous mettrons les liens pertinents sur notre blog, et puis en plus des textes de blog qui résument nos propos. Bonne semaine, merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à écouter en balado. Visitez econophile.net. N'oubliez pas d'aller voter. Merci et à samedi prochain.